J'étais là se dit ich. Ich war da. Ich war da. Et pour dire personne n'était là, personne c'est niemand. Ni signifie jamais. Niemand, personne. Ça s'écrit N-I-E-M-A-N-D. Personne n'était là, en allemand c'est personne était là. C'est-à-dire niemand war da. C'est ça. Niemand war da. Comment diriez-vous qui était là avec vous hier soir? Qui se dit wer. Wer, ça s'écrit W-E-R. Wer. C'est encore un petit mot en W, comme wann, quand, was, que, quoi, warum, pourquoi, weil, parce que, etc. Donc, qui était là avec vous hier soir? Wer? Wer war da mit Ihnen? Hier soir? Gestern Abend? Wer war da mit Ihnen gestern Abend? Ou plutôt, wer war gestern Abend mit Ihnen da? Comment diriez-vous, ce n'était pas possible de le faire? Es war nicht möglich, es zu tun. Bien. Es war nicht möglich, es zu tun. Chercher se dit suchen. Suchen. Et essayer, c'est versuchen. C'est le même verbe suchen, mais avec le préfixe faire. Versuchen, ça s'écrit V-E-R-S-U-C-H-E-N. Versuchen, essayer. À votre avis, faire est-il un préfixe séparable ou inséparable? Quand je dis versuchen, non séparable. Non séparable, oui. Parce qu'à l'oral, on n'insiste pas sur faire. Faire est pour ainsi dire trop faible pour se séparer du verbe et il reste attaché. Versuchen. J'essaye, se dit ich. Ich versuche. Ich versuche. Réussir se dit gelingen. Mais pour dire je réussis en allemand, on emploie cela me réussit. Cela réussit à moi. Es gelingt mir. Es gelingt. Gelingt. G-E-L-I-N-G-T. Es gelingt mir. Ou cela ne me réussit pas. Es gelingt mir nicht. Donc, je ne réussis pas à le faire se dira cela ne me réussit pas de le faire, c'est-à-dire es gelingt mir nicht zu tun. De le faire. Es zu tun. Es gelingt mir nicht, es zu tun. Je ne peux pas le faire se dit ich kann nicht es zu tun. Non, es tun. Oui, c'est ça. Pouvoir est un verbe porte-manteau, donc on n'emploie pas zu. Ich kann nicht es tun. Ou plutôt, ich kann es nicht tun. Oui, je ne réussirai pas à le faire se dira cela ne me réussira pas de le faire. Cela ne va pas me réussir de le faire. Es. Es wird. Mir. Nicht. Mir nicht. Gelingt. Ce n'est pas gelingt, mais gelingen. Wird est suivi d'un infinitif. Gelingen. Es wird mir nicht gelingen. Cela ne me réussira pas. Cela ne va pas me réussir. De le faire. Es zu tun. Bien. Es wird mir nicht gelingen, es zu tun.